Chapitre 2e. En quittant la Combeau-Fontaine, l'Amazone avait gagné la route. Là, comme le chemin montant longeait la lisière du bois, elle mit son cheval au pas et le laissa souffler jusqu'au point culminant d'où le découvre vivait. Le village, dominé de trois côtés par des roches à pic et des escarpements boisés, repose au fond d'un puits de verdure. Les derniers êtres de la forêt effleurent presque les toitures de pierres plates de ces maisons basses et ramassées autour d'un ruisseau qui sort de la roche. Une étroite langue de prairie sépare seule les habitations du versant opposé, où les arbres recommencent à moutonner. À 100 pas du village, la prairie s'élargit un peu, le ruisseau décrit entre les aunelles un petit arc de cercle, et dans la verte presqu'île formée par l'eau capricieuse s'élève en ce manoir seigneurial, dont le modeste corps de logis à toit d'ardoise est flanqué de deux tourelles coiffées en étais noir. Une allée de tilleuls relie au village. Les murs de l'habitation disparaissent presque en entier sous le lierre et les aristoloches, et c'est sans doute à ce revêtement de verdure qu'elle doit le nom de maison verte, sous lequel on la désigne dans le pays. Du point où se trouvait la jeune fille, on plongeait comme un vol d'oiseau sur les dépendances de cette demeure et jusque dans les moindres recoins du village. Elle arrêta brusquement son cheval, et ses yeux se dirigèrent vers la grande porte de la maison verte, devant laquelle un cabriolet à capote poudreuse, attelé d'un cheval pie, stationnait sous la garde d'un domestique en blouse. Le propriétaire de cet équipage se tenait lui-même sur le seuil de la porte, faisant de cérémonieux saluts à une dame penchée à l'une des fenêtres du rez-de-chaussée. C'était un robuste garçon, haut sur jambes, taillé en Hercule et costumé en chasseur campagnard. Après un dernier salut, il s'installa sous la capote du cabriolet et prit les rênes. Mais dès le premier coup de fouet, le cheval, au lieu de partir, s'arc-bouta sur ses jambes de devant, recula, rua, et finalement se coucha sur le flanc dans le sable de l'allée. Le géant sauta hors du cabriolet, fouilla dans la poche de sa veste, et sans manifester la moindre impatience, un homme habitué à pareille aventure, vint se planter en avant de sa bête et lui montra à distance quelque chose qui devait être un morceau de sucre. L'aimable animal tendit le cou, se releva et se décida à suivre l'appât dont son maître la léchait en courant à petits pas en avant de l'équipage. Ce grand gaillard trottinant, les mains derrière le dos et de temps en temps tournant la tête pour encourager sa bique rétive, cette maigre haridelle à la robe voyante, cet antique cabriolet louvoyant sur les cailloux, tout cela formait un si grotesque ensemble que la jeune fille, du haut de son observatoire, fut prise d'un fou rire. Après 3 minutes de cet exercice, le géant, jugeant que son cheval était suffisamment entraîné, se déroba par un brusque mouvement de côté, sauta la volée dans le cabriolet, reprit les rênes et s'éloigna au trot. La jeune fille le suivit encore quelque temps avec une expression moqueuse au coin des lèvres, puis, fredonnant irrévérencieusement l'air de « Bon voyage, monsieur Dumollet », elle caressa de sa cravache le petit cheval breton qui descendit lestement la rampe de Vivet. La dame à laquelle le propriétaire du cabriolet avait envoyé de si galants saluts était restée à la fenêtre. Quand l'équipage eut disparu, elle se retourna vers l'intérieur de la pièce où un homme d'une 50aine d'années, enfoncé dans un fauteuil, lisait un journal. « Eh bien, Clotilde ?» demanda celui-ci. « Monsieur de Préfontaine est-il enfin parvenu à faire marcher son cheval pie ?»« Oui, » répondit-elle, « mais comme toujours, il y a eu du tirage. » Elle vint s'asseoir en face du liseur. Ses deux têtes opposées l'une à l'autre formaient un contraste curieux. La femme, grande, élégante, aux épaules larges et à la poitrine développée, avait la complexion chaude et puissante des brunes. Sa quarantaine était sonnée, mais si son teint avait perdu sa fraîcheur, sa beauté un peu masculine conservait encore de l'éclat. Le front bas et lisse, le menton gras et massif annonçaient une nature opiniâtre, dominatrice, plus sensuelle que tendre. Mais les lèvres humides et souriantes, les yeux noirs étincelants sous de longs cils, avaient une expression à la fois hardie et voluptueuse. Il s'en dégageait un fluide attirant et enveloppant. L'homme était de taille moyenne, blond, lymphatique, avec des traits distingués, quoique peu accentués. Ses yeux à fleur de tête, intelligents mais timides, ses gestes indécis, trahissaient cette molle indolence rêveuse qui caractérise certains tempéraments de blond. Son cou, tantôt penché en avant, tantôt infléchie paresseusement sur l'une des épaules, la vague de ses regards et la lenteur de ses paroles disaient plus encore. Un physiologiste aurait certainement découvert dans cette languissante attitude les premiers symptômes d'un affaiblissement nerveux. Cette femme, au sang riche et abondant, au nerf élastique et résistant, semblait avoir absorbé toute la force vitale de son vis-à-vis. Elle le tenait courbé, pour ainsi dire, sous le rayon de ses noires prunelles. Il finit par subir, à travers les pages de son journal, l'influence de ce regard despotique, car il replia tout à coup la feuille et dit en souriant « Un honnête garçon que ce Préfontaine, mais un peu lourd et manquant de conversation. » « Tel qu'il est, répondit-elle en haussant les épaules, nous devons nous en contenter, puisque c'est le seul de nos voisins qui ait daigné nous rendre nos visites. » Monsieur la Tremblay étouffa un soupir. « Entre nous, reprit-il, je crains qu'il ne vienne ici beaucoup moins pour nos beaux yeux que pour ceux de Raymonde. » « Où est le mal ? » répliqua Madame Clotilde la Tremblay d'une voix insinuante. « Monsieur de Préfontaine n'est pas à dédaigner. Il a un beau nom, et s'il est sans fortune, du moins il est bien posé dans le canton. Vous avez intérêt à choisir un gendre qui vous aide à nouer des relations dans le pays. Mais, Raymonde, elle sera bien à plaindre de prendre un mari qui l'adorera. Crois-tu qu'elle ait du goût pour Monsieur de Préfontaine ? Je crois qu'elle a du goût pour le mariage. » Malgré son étourderie, elle comprend déjà bien des choses, et elle sent qu'en fait de mari, elle n'a pas l'embarras du choix. Monsieur la Tremblay soupira de nouveau, et il y eut entre les deux interlocuteurs un moment de silence pendant lequel on entendit le trot d'un cheval sous les tilleuls. « Justement, la voici !» dit Madame Clotilde en allant à la fenêtre. En effet, quelques minutes après, la porte s'ouvrit, livrant passage à la jeune fille de la Combeaufontaine. Elle entra, tout échevelée encore de la course, et s'élança vers son père qu'elle baisa au front. « As-tu fait une bonne promenade ?» demanda M. la Tremblay, dont la figure songeuse s'illumina d'un sourire. « Excellente. Il m'est arrivé une aventure à la Don Quichotte que je te conterai. »« Pendant que tu courais les champs, ma chère, dit Mme Clotilde, tu as perdu la visite de M. de Préfontaine. »« Je le sais, répondit Raymond en ébauchant une grimace espiègle. « J'assistais de loin à la scène du morceau de sucre et j'en ai bien ri. » Il a regretté de ne pas te rencontrer. Il a eu tort. J'étais en veine de taquinerie et il en aurait pâti. Mais il reviendra demain. » Continua Madame la Tremblay. Il dînera avec nous et j'espère que tu nous feras grâce de tes gamineries. Raymond tourna brusquement vers sa mère un visage dont l'expression était devenue méfiante et presque agressive. Je n'ai pas le talent de parler autrement que je ne pense, répliqua-t-elle vertement. Quand je vois M. Haussmann de Préfontaine, il ne me vient que des pensées drôles. « Que veux-tu que j'y fasse ?»« Je veux, mademoiselle, s'écria Madame Clotilde avec emportement, que vous ayez plus d'égards pour un garçon qui mérite qu'on le traite sérieusement. Je vous laisse avec votre père, qui vous dira le reste. » Elle sortit lentement, tandis que Raymond la suivait de ses grands yeux étonnés. « Qu'est-ce que cela signifie ? » murmura la jeune fille en courant se pelotonner sur les genoux de son père, dont elle prit le cou dans ses bras. « Ta mère a raison, répondit Monsieur la Tremblay d'un air embarrassé. « Monsieur de Préfontaine est un galant homme que tu devrais traiter avec moins de 100 façons. » Il réfléchit un moment, tandis que la jeune fille continua à se câliner sur ses genoux, puis reprit. « Raymonde, te souviens-tu de ta dernière année de pension ?»« Oh oui, » dit-elle. « Tiens, j'en baille encore, rien que d'y penser. » »« Et te rappelles-tu un jour où j'entrais au parloir tandis que tu étudiais ton piano ?»« Tu me tournais le dos, et tu ne me savais pas là. » »« Au lieu de jouer, » tu avais posé languissamment tes mains sur le clavier. Je te vois encore, et tu soupirais d'un ton lamentable. Oh mon Dieu, un petit mari, un tout petit mari. Je crois bien, je m'ennuyais à avaler ma langue. Et maintenant, tu ne t'ennuies plus. Pas quand je suis avec toi, dit-elle en lui déposant un baiser sur le front. Mais de temps à autre, quand je suis resté trop longtemps en tête à tête avec moi-même, il me vient des giboulées d'ennui. Et si alors on t'offrait un mari, petit ou grand? Elle dénoua vivement ses bras et d'un bond sauta à terre. « Tu veux me marier avec Monsieur de Préfontaine ? » s'écria-t-elle en regardant fixement son père et en le menaçant du doigt. « Mon Dieu ! » repartit Monsieur la Tremblay en rougissant. « Ta mère et moi, nous en causions tout à l'heure. Franchement, ce serait un parti convenable. En admettant qu'il te plaise, mignonne. » Elle secoua les épaules à la manière des enfants mécontents, tourna le dos à son père et se campa devant la fenêtre où ses doigts se mirent à tambouriner. Préfontaine, reprit timidement M. la Tremblay, n'est pas un bel âtre, mais il est bien portant et bien taillé. « Comment donc ?» interrompit Raymond en tambourinant avec fureur. « 6 pieds, un géant !»« Il a un beau nom, ses ancêtres sont allés aux croisades, je sais !» Il s'est bravement conduit pendant la guerre. Il a un caractère loyal, un cœur d'or, et il t'aime. Bêtement, c'est vrai. Mais si nous étions mariés, je le verrais toujours courant avec un morceau de sucre en avant de son cheval pis. Peux-tu t'arrêter à de pareils enfantillages ? S'écria M. La Tremblay, impatienté. On dira vraiment que dans ce pays perdu, tu as l'embarras du choix. Les maris ne poussent pas que dans ce pays, je suppose. Nous sommes fixés ici. Et puis, poursuivit tristement le père de Raymonde, il y a d'autres raisons plus graves qui bornent forcément ton choix. Elle se retourna brusquement. Lesquelles ? Tu les connaîtras plus tard. Eh bien alors, attendons. Oui, mais moi, mauvais enfant, je ne voudrais pas te laisser seul avec ta mère et je puis mourir. Oh ! Elle contempla avec effroi la figure pâlie et maladive de son père, et il y eut entre eux un moment de profond silence. Par la fenêtre ouverte, on entendait le bruissement rythmé des faux dans la prairie, les aboiements lointains des chiens du village et le bourdonnement sourd des abeilles parmi les tilleuls de l'avenue. Raymonde revint doucement vers M. La Tremblay et s'agenouillant près de lui, la tête levée vers la sienne, les yeux dans ses yeux. « Voyons, père, murmura-t-elle, ce mariage te ferait-il bien, bien plaisir ? Il me rassurerait sur ton avenir, en même temps qu'il nous ferait prendre pied dans ce pays où l'on nous regarde un peu trop comme des oiseaux de passage. Ce serait une bonne chose pour nous tous. Eh bien, pour toi, rien que pour toi, tu entends, je te promets d'essayer de m'habituer à cette idée-là. Mais il ne faudra pas trop me presser, tu sais. Ma mère et lui, vous me laisserez le temps de m'acclimater petit à petit. Cher enfant, dit-il en lui prenant les mains, pauvre enfant. Raymond sentit son front mouillé par une larme. Elle sauta au cou de son père, le baisa avec une brusquerie passionnée et sortit sans ajouter un mot. Elle monta rapidement dans sa chambre, dont les fenêtres donnaient sur les bois, alla s'asseoir dans l'embrasure d'une croisée et plongea sa figure brûlante dans les feuillages du lierre qui en tapissaient les parois. Le mariage. Elle y avait souvent rêvé, depuis 2 ans, à Paris ou en province, entre les 4 murs des pensions où l'avait promené la vie nomade et singulière de ses parents. Mais le mari idéal, dont elle voyait la vague image danser entre ses yeux et les pages de son livre, ne ressemblait guère au colossal Haussmann de Préfontaine. C'était un héros de roman doué de toutes les séductions, paré de toutes les élégances. Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi. Plus tard, quand amenée à Vivet en plein printemps, elle avait été libre de galoper à travers bois, le fantôme de l'idéal amoureux l'avait de nouveau hanté pendant ses folles courses sous la haute futaie. Elle cherchait jusqu'au creux des ravins, où chantent des sources à la voix berceuse. Elle s'imaginait le voir soudain apparaître au détour d'une sente, comme un fils de roi dans un conte de fées. Maintenant, il fallait dire adieu au rêve, renoncer à chevaucher en plein pays de féerie et marcher prosaïquement au-devant du fiancé réel que le hasard lui offrait. Celui-là n'avait rien d'un pur esprit, non. C'était bien un amoureux de chair et d'os. Et quelle chair florissante, quelle massive ossature. Un robuste gentilhomme campagnard, chassant 6 mois de l'année et passant les 6 autres mois à des parties de pêche ou à des parties de rams. Raymonde quitta l'embrasure de la fenêtre et d'un bond va se placer devant une haute glace oblongue, encadrée dans des baguettes aux dorures ternies et surmontée d'un trumeau. Sur le trumeau était peint un berger à la veste enrubannée, jouant du chalumeau au pied d'une bergère en panier, qu'il écoutait avec des mines langoureuses. Dans le fond sombre de la glace, Raymonde vit se refléter la partie supérieure de son corps. Sa taille svelte, gracieusement moulée par son corsage d'Amazone, son cou blanc et flexible, l'ovale élégant de son visage, sa bouche d'enfant aux lèvres d'un rouge vif, ses grands yeux aux brunes prunelles piquetées de points d'or, et le luxe soyeux de son abondante chevelure au ton chaud. Elle n'avait pas de fausse modestie, et se trouvait franchement belle. Et songeait que cette triomphante beauté serait à jamais cloîtrée dans le triste pigeonnier de la Margelle que M. de Préfontaine décorait du nom de château. Ses yeux remontèrent avec une expression désolée jusqu'à la bergerie du trumeau. Ce berger, jouant éternellement la même chanson d'amour, semblait lancer à la jeune fille des œillades ironiques. Cette bergère, galamment pomponnée, la regardait d'un air de pitié. Elle frappa du pied avec un dépit concentré et retourna se blottir dans son embrasure, inquiète, farouche, indécise, mordiant des feuilles de lierre arrachées au treillage et se demandant quelle mine elle pourrait bien faire le lendemain pour décourager M. de Préfontaine.